couloir du temps, fais la queue pour mourir. Dans la rue, y'a ceux qui se frottent les yeux et ceux qui se frottent les mains. Je suis en train de tirer, tu es ou blessé. Tu trouves debout les gens mal, les gens bien. Dans le couloir du temps, fais la queue pour mourir. Dans la rue, y'a ceux qui se frottent les yeux et ceux qui se frottent les mains. Il suffit d'une rockard pour faire un attentat, d'une goutte de sang pour faire couler le sang. Il suffit du gros sang-brouille pour faire parler les douilles, d'une insulte pour faire enculer comme une pute. Il suffit du charami, fait tu vois c'est quoi une hagra. Pour cave mes straps, tu vois c'est quoi une cam. Il suffit du dépôt pour te retrouver en mode à dépôt, du capabro pour perdre tes barreaux. Il suffit d'un accident pour être handicapé à vie. De rien gros pour être au max disarmé. Il suffit de rien pour tout péter dans la. Un flow Kalashnikov fait des lyrics meurtris. Si tu trouves debout les gens mal, les gens bien. Dans le couloir du temps, fais la queue pour mourir. Dans la rue, y'a ceux qui se frottent les yeux et ceux qui se frottent les mains. Je suis en train de tirer, tu vais vous blesser. Si tu trouves debout les gens mal.